Bizot, il avait besoin de stimulation intellectuelle, affective, sensorielle, permanente. C'était une machine qui vivait en surmultiplié constante. Quoi. On avait l'impression qu'il dormait jamais, qu'il s'arrêtait jamais, il rigolait tout le temps, il vivait absolument à 100 à l'heure. C'était un feu d'artifice permanent, hein, Bizot. Covenant, made with death, the pregnant that gave birth to breath, we were about to give birth. Les pieds dans des livres, des cassettes, des articles, des cigarettes, ça, des disques, des papiers, des corrections, des notes, des carnets, des photos, ça. Тишина, но он до сих пор стоит. pustota, no onda si pusta i do tam vnutri nikavo, no onda si pusta i do tam vnutri tišina, no onda si pusta i qui avait une vie assez particulière. Hein. D'abord, il avait les moyens. Frédéric Joigneau. Donc, si vous voulez, il n'avait pas beaucoup de problèmes d'argent, on pourrait dire. Donc, il vivait un peu comme il l'entendait. Quoi. Donc, d'abord, c'est quelqu'un qui se défonçait pas mal, ça, il faut dire ce qui est, tout le temps, jusqu'à la fin de ses jours. D'ailleurs, il l'a payé. Et puis, surtout, c'était quelqu'un qui sortait absolument sans arrêt, qui avait une espèce de curiosité absolument inouïe, c'est-à-dire que c'était tous les jours, tous les soirs, jusqu'à la fin de sa vie, c'était, il allait en concert, il allait voir un groupe, il allait voir tel truc, il allait rencontrer des gens, il était copain toujours avec des artistes, etc. Il allait les voir. Tout ce qui est en rapport avec la nuit l'intéressait, quoi. Il était en permanence dans une espèce d'élan vital, d'élan de connaissance et de rencontre inouï, épuisant. C'était une espèce de colosse qu'on croyait inépuisable, quoi. Et en plus, bon, voilà, quoi. Il vivait comme ça. Il changeait pas mal de femmes. Il avait pas mal d'histoires amoureuses et autres. Et donc, il avait, disons, que je dirais qu'il a brûlé sa vie par les deux bouts tout au long, sans cesse. Est-ce que c'est underground ? Je sais pas. Mais en tout cas, ça, on peut dire qu'il vieillissait, il continuait. Il fallait tout le temps y aller, quoi. Il fallait tout le temps sortir, tout le temps rencontrer d'autres gens, voir comment les gens s'habillaient, qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique, qu'est-ce qu'ils prenaient comme défonce, comment est-ce qu'ils vivaient avec les nanas avec les mecs. Il voulait toujours tout savoir. Il était tout le temps comme ça, dans une espèce de passion de vie, quoi. Ça, c'est vraiment bizarre. Sweetly before the mist. such a waste, your beautiful face, stumbling carpet arise, go follow your gem, your white feathered friend. Est quelqu'un qui ne conçoit pas des vacances ou de se reposer. Hein. Michel-Antoine Burnier. Et moi, je me souviens que vers, ça devait être vers 89, il était vraiment fatigué, il n'était pas frais. Enfin bon, le travail avait pesé, les ventes se tassaient, enfin, il n'était pas bien. Et il m'a dit, je m'en vais, alors je ne sais plus combien il est parti, mais longtemps, hein, du genre 15 jours, 3 semaines. Il m'a dit, je m'en vais, il faut que je me repose, etc. Il est parti avec une copine. Il est parti à Soweto se reposer. Or, Soweto, c'est encore l'Afrique du Sud raciste. C'est l'émeute permanente dans le ghetto. Et ben le mec, blanc et blond, quand il se repose, il va là-bas. Et il en a rapporté un reportage. Oh! première fois qu'il passe à apostrophe chez Pivot, il arrive avec d'énormes lunettes punk jaunes et noires, épouvantables. Donc il fait le clown, quoi. Je lui ai toujours dit aussi, ouais, méfie-toi, tu fais un peu le pitre quand même. Qu'est-ce que tu veux que j'aille, que je mette un petit veston et que j'aille pareil comme les autres, gentiment de mon livre, comme ça. C'est difficile, c'est vrai, à gérer son image quand t'es à la fois dedans et dehors le système. Jean-François a tout fait et je crois qu'il a réussi pour faire oublier que qu'il était gosse de riche, fils de Bourges. Enfin, tout le monde le savait, mais c'est pas. Mais je veux dire, il y avait un tel décalage entre ça et le et ce qu'il faisait que. D'ailleurs, ses parents n'ont jamais accepté. Ils n'ont jamais aimé l'actuel, ses parents. Thank you.

Tu la connais l'histoire de ce, quand il a hérité, Jean-François ? Léon Mercadet. Quand il a eu 21 ans, donc il est né en 44, hein, en 65 il a 21 ans. Son père lui dit, genre, le lendemain de son anniversaire, donc le 20 août 65, son père le convoque, Edmond Bizot. Et il lui dit, Jean-François, vous êtes majeur, voici l'état de vos espérances. Et il lui dit l'héritage qu'il a. Un truc invraisemblable. Le mec est... Enfin, ça se passe chez le notaire. Alors le mec, Jean-François, est sonné. Alors la légende, parce que Jean-François est un personnage à légende, parmi les légendes, parce qu'il nous a raconté par bribes, il y a qu'il a été tellement secoué qu'il a erré dans Paris et il s'est demandé que faire de cet argent. Et il s'est dit, je vais le filer au Parti communiste. En 65 quand même. Finalement, il ne l'a pas fait et il s'est dit, non, il l'a gardé pour faire un journal. Fucking lady, she's a bad, crawling, fucking, please don't. S'il est déclassé idéologiquement par rapport à sa classe bourgeoise, les industriels, Bizot et Gillet, il utilise, il en utilise l'argent quand même. Donc le mec, quand il quitte sa classe, quand il divorce avec le fric. C'est-à-dire qu'il garde son héritage quand même. Et heureusement. Et puis il fait des études de chimie par atavisme familial, c'est-à-dire que sa famille, c'est une boîte de chimie. Son père est Bizot, sa mère est Gillet. Gillet, c'est les gilets de Lyon, c'est la soie. Donc la chimie. Et Roune Poulenc, je crois son père, je sais pas, qui était administrateur de Roune Poulenc, c'est la chimie. Donc il fait de la chimie parce que dans cette classe-là, bah, le fils, il reprend la boîte, quoi, ou il reprend la direction d'une branche, d'une filiale. Et donc, comme on est dans la chimie, il fait études de chimie.